Let's do it. C'est Raze, le killer à gage qui bosse sans sabre en titane, sans faire dans mon panne. Et j'pars en freestyle, eh ouais, jusqu'à la fin, j'pousserai ce bouche dans de la bouteille du rap, comme celle de ma life, pas celle du tu...